Bonjour, ici David Lévesque. Il me fait à présent plaisir de faire un entretien en compagnie de Claudine, qui s'occupe d'un blog sur lequel il est présenté des articles en relation avec la conscience supramentale. Donc, à ce moment-là, bien, c'est un plaisir de vous recevoir, Claudine. Oui, bonjour. Donc, ça va bien? Très bien. Excellent. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, alors, tu as un blog qui porte sur la voie du réel. Oui. Donc, on va tout de suite donner les coordonnées du blog pour que les gens qui ont envie de le découvrir puissent aller y faire un tour. Donc, c'est lavoieduréel.over-blog.com. Vous allez d'ailleurs avoir les coordonnées là en bas de cet enregistrement. Donc, vous n'aurez à ce moment-là qu'à cliquer sur le lien. Donc, tout d'abord, par rapport à ce blog, je voulais savoir, Claudine, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de le créer? Eh bien, c'était pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir parler, même si c'est par l'intermédiaire de l'écrit, ce langage qu'on appelle le langage supramental, pour pouvoir parler de la conscience et pour pouvoir dire ce qui venait en moi, ce que je ressentais. Donc, Voilà. OK. Donc, le blog, en réalité, c'est un lieu d'expression pour toi, là. Tout à fait, c'est ça. Et puis, sinon, c'est sûr que je me pose aussi la question à savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la conscience supramentale? Eh bien, parce que depuis tout le temps, j'ai voulu savoir ce que je faisais là. Sur la terre, qu'est-ce que c'était la vie, à quoi ça servait. Quand j'étais encore une toute petite fille, j'avais déjà l'impression que j'étais comme sur une scène de théâtre, puis que je voyais les gens qui jouaient un rôle autour de moi, et je me posais la question, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi tu es là à regarder tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc plus tard, eh bien, j'ai toujours cherché, donc je suis passée comme beaucoup de personnes par le spirituel, mais en fait, une recherche amenait toujours à une autre, puis à une autre, puis à une autre, c'était jamais satisfaisant. Jusqu'au jour où une personne m'a parlé un autre langage, et où j'ai dit, bah là, d'accord, voilà, là, il y a autre chose, là, c'est cohérent. Et quel est cet autre langage? Eh bien, c'est le langage qui parle de conscience, du supramental. Ce qui m'a fait savoir, eh bien, qu'on était en fait conditionné, qu'on était dans des programmes, ce que je ne savais pas. Exactement. Est-ce que c'est le contact avec du matériel de Bernard de Montréal qui a initié votre intérêt pour le supramental? Eh bien, non, pas tout de suite. En fait, c'est une OK. personne qui était allée, elle, au Québec pour rencontrer quelqu'un qui s'appelle Michel Dau. Je ne sais pas si tu connais. Oui, Michel Dao, oui. Michel Dao, qui a arrêté depuis son activité. Donc, elle était allée passer quelque temps là-bas. Et comme c'est une personne que je connaissais, avec qui j'avais fait des choses dans le spirituel, eh bien, elle a proposé à plusieurs personnes de se rencontrer, eh bien, pour nous dire un petit peu ce qu'elle avait été chercher là-bas au Québec. Voilà. Donc c'est cette personne-là. Et après, elle nous a parlé de Bernard de Montréal. Et après, j'ai découvert, oui, effectivement, les enregistrements de Bernard. Et puis récemment, d'autres, comme toi, comme Berthold, comme Monsieur Sabourin. Enfin, il y en a beaucoup. Exactement. Et ce que je voulais savoir, c'est au contact de ce matériel-là, plus particulièrement de celui de Bernard de Montréal, parce qu'il est très vibrant, comment est-ce que Oui. tu as réagi? Eh bien, c'était comme si j'avais enfin les bonnes réponses, comme si j'étais enfin dans quelque chose qui me parlait, qui vibrait en moi. Je suis tout de suite, comment dire, comme rentrée là-dedans. C'était comme si c'est quelque chose que j'avais toujours attendu et puis qui était enfin là. Exactement. En ce qui me concerne, quand j'ai entré en contact avec les enregistrements de Bernard de Montréal, bien, ça faisait tout simplement écho à une réalité que je portais déjà en moi. Donc, ça a été comme une confirmation vibratoire qu'il existe Oui. un niveau de réalité que j'anticipais déjà. En réalité, ça m'a permis surtout de mettre des mots sur des choses que je ressentais déjà intuitivement, là. Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Donc, à ce moment-là, on peut dire que les enregistrements de Bernard ont rejoint là, ta sensibilité. Tout à fait, oui. Et par la suite, ce contact avec ce matériel, c'est ce qui t'a donné le goût de d'écrire? Oui, parce que j'avais besoin d'exprimer ce ressenti. En fait, j'avais besoin de dire avec mon langage ce qui était ressenti. C'est ce qui permet en fait d'intégrer, c'est de le parler soi-même. Exactement, c'est le meilleur moyen de connaître une intégration personnelle, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, souvent, quand j'ai écouté des enregistrements, ben, je me mets à écrire parce que c'est comme si ce que j'avais entendu, ben, je le savais déjà, je découvre que je le savais, donc j'ai besoin de l'exprimer avec mon langage et voilà, c'est ce qui permet d'intégrer effectivement. Donc on écrit bien d'abord pour soi. Exactement. Donc, c'est sûr que dans le même esprit, les enregistrements que je fais présentement sur cette chaîne YouTube sont pour moi d'abord en vertu d'une intégration personnelle. Si ça bénéficie à des gens, tant mieux, mais fondamentalement, c'est pour intégrer ma propre énergie. Tout à fait, j'ai eu l'occasion d'écrire ça dans un article aussi, parce que c'est exactement ce qui se passe. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette démarche d'intégration personnelle, petit à petit, rejoint de plus en plus des gens un peu partout dans le monde. Oui. J'étais curieux de savoir, parce que ça fait quand même plusieurs articles que tu écris, est-ce que à travers ces articles-là, il y a un message particulier que tu vises à véhiculer? Un message particulier, je pense pas. J'en ai pas l'impression. J'écris plus ce qui vient en moi au moment où je l'écris. OK. Mais de message, non. OK. Non, ben c'est tout à fait correct. Bien, c'est sûr que il y a beaucoup de sujets hein, que tu as abordés dans les articles et j'ai vu notamment que suite à l'enregistrement que j'avais fait en compagnie de Berthold qui portait sur la notion du double, ça t'avait donné une forme d'inspiration là, pour écrire un article, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, au début, je ressentais ce double comme quelque chose d'extérieur à moi. Et puis, bah, j'ai fini par réaliser que ce n'était pas extérieur, mais que ça faisait partie de moi. Qu'en fait, il n'y avait rien à chercher ailleurs qu'en soi, parce que c'est... C'est compliqué à expliquer un petit peu, mais Oui. c'est comme s'il y avait deux dimensions dans la même personne. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a la dimension physique, où ce qu'on a un corps qui est dans la matière, mais il y a aussi une dimension psychique. Voilà, tout à fait, c'est ça. Oui, et l'articulation entre la personnalité, l'ego versus le double, l'âme, tous ces éléments-là. C'est sûr que c'est compliqué à expliquer parce que c'est des termes abstraits. Oui. Et puis, on peut passer des heures et des heures à essayer de définir des mots, alors que les mots nous amènent à d'autres définitions, qui nous amènent à d'autres définitions, et on peut tourner en rond là, là-dedans, là. Donc, c'est sûr que, d'ailleurs, par rapport au vocabulaire utilisé, ce qui est important, c'est pas les définitions, mais c'est, de mon point de vue, essentiellement la vibration. Que ça génère. Oui, exactement. Et Exactement. puis, ouais. Sinon, j'étais curieux un petit peu parce que je pense que ça fait quand même un certain nombre de semaines que tu écoutes mes enregistrements, donc sur ma chaîne YouTube de David L. Et je voulais savoir si tu avais des commentaires en lien avec ces derniers. C'est toujours très fort ce que j'entends, ce qui est dit, et puis ça touche toujours quelque chose à l'intérieur. J'ai écouté là avant de venir ce matin le tout dernier qui parlait des martyrs de la conscience supramentale. Et je trouve qu'effectivement, c'était très bien de mettre en garde un petit peu les personnes. Et je dois dire que je te rejoins un petit peu dans le sens que je suis quelqu'un d'excessivement prudent et que j'ai toujours été très prudente dans toutes mes démarches et que ben, je ne fais pas confiance facilement. J'essaie toujours de contrôler, de vérifier, d'essayer de voir. Et depuis que bah, qu'il y a, je vais dire, ce savoir qui passe, bah, c'est pareil, hein, il y a toujours une grande prudence. Pas que je réfléchisse, mais que j'essaie toujours de savoir si c'est réel, si c'est. Voilà, je ne veux pas m'embarquer dans n'importe quoi. Oui, exactement. Et c'est le piège qui guette toute personne qui s'ouvre à sa sensibilité parce que ça expose la personne à recevoir des informations nouvelles. Et Oui. là-dedans, il y a des informations qui peuvent être extrêmement valides, pardon, pertinentes, puis il y en a d'autres qui sont totalement inutiles et il faut être capable de séparer le subtil de l'épais, c'est-à-dire de faire preuve de discernement, là, parce que sinon, on est à risque là, d'être submergé là, d'informations, là. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment se protéger et puis ben, je garde aussi de la place pour ma partie physique. Je ne veux pas être tout le temps à écrire ou à écouter. On a besoin aussi de vivre la vie d'une personne physique sur la Terre. Il y a tout ça qu'il faut aussi. Faut savoir gérer, il ne faut pas se laisser submerger. Oui, exactement. Et souvent, la problématique que rencontrent les gens qui vivent un processus d'éveil de la conscience, c'est que comme c'est nouveau, ben là, ils vont être fascinés par ça, puis ils vont se laisser submerger par ces perceptions extrasensorielles auxquelles ils peuvent avoir accès, aux communications internes aussi. Donc, des fois, c'est plus nuisible qu'utile, ces perceptions, si la personne néglige justement l'aspect physique de la vie. Et ça, c'est un élément sur lequel je reviens souvent Oui. dans les enregistrements, parce que beaucoup de personnes ont déséquilibré leur existence en relation avec cette conscience. Et oui, il faut rester vigilant et bien faire la part des choses. Et je fais en sorte de ne pas me laisser fasciner par tout ça. J'y étais certainement au départ, mais aujourd'hui, je pense que non, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça et. Ben, il n'y a plus de fascination parce qu'en fait, ben, s'il y a ce savoir, nous au départ, on était comme eux, on était aussi mental avant de venir faire cette expérience sur la Terre. Donc, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas tout ça. Oui, exactement, parce que ça, c'est justement un autre des pièges qui guette la personne qui commence à s'éveiller, c'est-à-dire que comme elle a accès à un contact que d'autres personnes n'ont pas, bien, elle peut s'imaginer être supérieure à d'autres personnes et là sombrer dans le délire sectaire. Tout à fait. Donc voilà, il y a beaucoup de pièges et je m'aperçois qu'ils deviennent de plus en plus subtils. Oui, exactement, parce que lorsque la personne raffine sa conscience, bien, les pièges deviennent de plus en plus raffinés en proportion. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est important aussi d'écouter d'autres personnes, d'autres enregistrements, parce que bah, ça serait trop difficile de tout voir sur nous, on peut pas. On a besoin des fois des autres ou d'écouter les autres pour voir des pièges qu'on n'avait pas vus nous au départ. Oui, exactement. C'est sûr qu'il faut être ouvert aux autres humains. qui vivent ou non un processus de conscientisation, parce que ces gens-là peuvent nous faire bénéficier d'un éclairage extérieur à nous. Et comme le disait Bernard de Montréal, on n'est pas intelligent tout seul, dans le sens que lorsqu'on se conscientise, on a besoin des autres pour être capable de se situer. Oui, tout à fait. Puis sinon, mais j'étais curieux de savoir un petit peu comment tu vis ce processus de contact avec la conscience supramentale alors que tu es en France et là-bas, il n'y a sans doute pas beaucoup de personnes qui vivent ça. Eh ben non, il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un fils qui vit ça aussi et OK. avec qui je peux parler. Donc, j'apprécie beaucoup. Mais sinon, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de personnes. Enfin, je connais 5 ou 6 personnes qui sont, je vais dire, là-dedans, en France, mais on est tous un petit peu éloignés. Donc, on ne se voit pas souvent, on n'a pas souvent l'occasion de parler. Oui, fait que c'est sûr que des fois, ben même moi au Québec, je vis des fois plus de la solitude où les gens sont éloignés des fois à plusieurs kilomètres de route. Donc, de rencontrer des gens en personne pour parler de conscience, c'est pas nécessairement évident, là, bien entendu, là. Oui, c'est vrai. Au début, ça m'a été difficile, mais ben, je le vis autrement parce que ben, y a les enregistrements qu'on peut écouter, il y a des textes écrits qu'on peut lire. Donc, je me sens quand même moins seule aujourd'hui avec ça. Bien, c'est excellent parce que petit à petit, il y a du matériel sur Internet là, qui est en train d'être diffusé. Là, où, si je pense au Carrefour Supramental, qui est un YouTuber là, qui en diffuse beaucoup. Il y en a d'autres aussi, il y a Berthold. Donc, petit à petit, il commence à avoir une quantité de matériel là, intéressant là, qui est présent sur Internet. Oui, bien sûr. Oui, et ça, c'est important. Ça coupe un peu ce sentiment de solitude qu'on pouvait avoir. On est plusieurs, je vais dire, dans cette aventure, si on peut l'appeler comme ça, et ça encourage. Exactement. Sinon, bien, c'est sûr que je voulais t'amener à parler de différents sujets en lien avec la conscience. Et avant d'aller dans cette voie, j'étais curieux de voir à partir de toi s'il y avait un sujet en particulier que tu avais envie d'explorer. Ah, il y en a beaucoup des sujets, donc je sais pas. OK. Bien, je peux lancer un sujet, c'est-à-dire... Suite à l'écoute, que ce soit de mes enregistrements, de d'autres personnes aussi, etc., est-ce que d'être exposé à une vibration particulière en lien avec la conscience supramentale t'a amené à apporter des changements concrets dans ta vie? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont plus vécues de la même façon. Il y a beaucoup moins d'émotionnels perturbants, par exemple. OK. Il y a beaucoup moins ou plus de souffrance. Et disons que la souffrance, c'est plus la même. C'est plus de la souffrance psychologique, c'est plus pareil. Il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là. Et dans le sens que c'est moins de la souffrance émotionnelle. Oui. OK. Donc, c'est sûr que l'aspect qui m'intéresse souvent de discuter avec les gens, c'est comment qu'ils intègrent cette conscience-là dans le quotidien, parce qu'après tout, on est venu sur la Terre avec un corps physique pour vivre une expérience humaine. Donc, c'est sûr que moi, j'étais curieux de voir un petit peu les changements là, que de canaliser du matériel comme tu fais à travers les articles sur ton blog La Voix du Réel, écouter des enregistrements, va participer à favoriser, là, l'évolution de ta conscience dans ton quotidien. Ben, au début, ce qui était difficile, c'est d'avoir presque tout le monde autour de moi qui n'était pas là-dedans. Ça, au début, ça m'a posé des difficultés. Aujourd'hui, je suis dans une démarche qui m'amène à m'adapter, c'est-à-dire que j'ai pas apporté de jugement sur là où ils en sont, c'est pas mon affaire, et donc j'en suis à adapter mon langage par rapport aux personnes qui sont pas dans le supramental, parce que comment dire, au début j'avais envie de partager ça. Mais je m'aperçois que c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Donc aujourd'hui, le contact avec les autres personnes me devient plus facile. Oui, ben c'est sûr qu'en lien avec ça, moi-même, puis je sais aussi d'autres personnes, c'est que souvent le piège qui nous guette quand on commence à se conscientiser, c'est que lorsqu'on découvre cette conscience-là, on a le goût de la partager. Eh oui. Et ça, c'est le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent parce que s'imaginent que vu que c'est bon pour eux autres, puis ils aiment ça, ben ils s'imaginent qu'automatiquement les autres vont être capables d'intégrer ça, puis vont aimer ça, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Étant donné que c'est une conscience individuelle plutôt que collective. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que ça met un petit peu de temps à s'intégrer. Oui, tout à fait. C'est sûr que ça peut nous amener à faire certaines erreurs. C'est sûr qu'après coup, dans ma vie, quand que je passe mon existence en revue, j'aurais dû moins en parler à ma compagne de cette conscience-là, puis également à certaines personnes de mon environnement. Mais comme on ne Oui. peut pas changer le passé, puis on peut juste agir sur le moment présent, eh bien, j'ai appris à m'ajuster. Et puis, comme tu le mentionnes, c'est sûr que de parler explicitement de conscience avec des termes, que ce soit le double éthérique, l'ajusteur de pensée, la vibration astrale, tous ces mots-là, ce vocabulaire qui est spécifique à la conscience supramentale, je l'utilise pas avec les gens là, que je vois. Voir là sur la rue ou avec des inconnus là. Oui, bien sûr, oui. Donc, ben, je pense que les erreurs, ben, elles nous servent à ne pas les reproduire quand on a constaté que c'était une erreur, quoi, en fait. Voilà. Oui, c'est ça exactement, d'où l'intelligence qui consiste à être capable de se réajuster en conséquence dans les plus brefs délais. Donc, Voilà, c'est ça. c'est ça exactement. Fait que c'est sûr que l'intégration de cette conscience en ce qui me concerne, beaucoup changé ma vie et c'est l'un des aspects qui m'amène justement à m'informer comment que les autres vivent ça, étant donné que ce n'est pas une conscience qui est très présente au sein de l'humanité, eh bien, les gens qui vivent ça sont peu nombreux. Donc, quelque part, on est des pionniers présentement à l'époque actuelle lorsqu'on touche à cette conscience-là. Bien sûr, ce sera peut-être plus facile dans quelques années ou quelques siècles quand il y aura beaucoup plus de personnes conscientes. Mais bon, nous on est là, ça fait partie de notre programme, donc ben, on fait avec. Oui, exactement. Donc, on n'a pas le choix de composer avec cette programmation-là. Non. Et ce n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai produit l'enregistrement là, sur les martyrs de la conscience supramentale, dans le Oui. sens que beaucoup de gens qui vont souffrir de cette conscience-là. Et puis, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est utile qu'il y ait, entre autres, sur Internet, là, des lieux où ce que les gens peuvent prendre la parole en relation avec leur intégration de cette conscience. Oui, tout à fait. Pour moi, je trouve que la souffrance, ben, elle était avant la conscience. Bien, c'est-à-dire que de mon point de vue, je veux dire, te toucher à cette conscience-là, élimine pas automatiquement toutes les souffrances, là. Non, non, non, non. Mais ça la fait vivre différemment. Oui. Ça amène un autre regard sur la souffrance. Oui, être en contact avec la conscience supramentale change définitivement la perspective. Oui. Néanmoins, ça ne fait pas en sorte pour autant qu'on va être exempt de souffrances dans la vie, c'est-à-dire exempt de problèmes de santé, d'accidents, de perte d'emploi ou de chocs là, existentiels. Évidemment. D'ailleurs, oui, bien sûr, ça n'évite rien. Non, par contre, ça permet de mieux composer avec les événements qui peuvent nous confronter ou créer des chocs. Voilà, c'est ça. C'est comme comme si on avait ouvert une fenêtre sur, ben, sur la réalité et qui amène un autre regard sur tout ce qui se passe autour de nous. Donc même s'il y a toujours des difficultés, parce que ça, il y en a toujours, elles sont plus ressenties et vécues de la même façon. Exactement, parce que pour en revenir à la notion de souffrance, j'avais trouvé ça intéressant parce que dans l'un de ses enregistrements, Berthold, si je ne m'abuse, avait parlé de la souffrance au niveau émotionnel, ensuite de la souffrance en lien avec l'intellect, la réflexion, puis Oui. ensuite une souffrance vibratoire au niveau de l'intégration de l'énergie mentale, là. Oui, j'ai écouté cet enregistrement-là. Donc, c'était l'enregistrement de l'exégèse. Et puis, en lien avec ça, j'ai trouvé ça intéressant, ces trois niveaux de souffrance, parce que, après tout, c'est vrai, lorsqu'on commence à se conscientiser, souvent, c'est en lien avec de la réactivité émotionnelle, donc tendance à pleurer, etc. Ensuite, au niveau plus intellectuel, c'est plus subtil, donc réfléchir les événements, vivre du doute, l'anxiété. Et ensuite, vibratoire, ben là, c'est carrément le contact avec l'énergie mentale qu'il faut apprendre à la gérer pour pas souffrir de sa manifestation en nous, là. Oui, exactement, c'est ça. Et par rapport à la souffrance, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui sont confrontés à différents niveaux de souffrance? Des conseils, c'est difficile de donner des conseils. Je reste toujours sensible à la souffrance des autres personnes. Et donner des conseils, ça me paraît très difficile, je ne saurais pas. Il n'y a pas de problème. Sinon, pour en revenir à ton intégration de cette conscience-là au quotidien, en plus de changer ton rapport à la souffrance, est-ce que ça a amené d'autres modifications dans ta vie? Oui, ça a amené beaucoup de modifications. Mon rapport aux autres OK. qui a été modifié parce que ben de savoir déjà que qu'on est dans des programmes, qu'on n'a pas de libre arbitre, ben on va plus, comment dire, avant on avait tendance à accuser toujours les autres de tout ce qui se passait. C'est de la faute d'un tel, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de la société, etc. Mais quand on sait que derrière tout ça, il y a des programmes, eh ben, comment dire, on se met plus en colère ou on n'accuse plus les autres. On sait que ben, s'il y a un responsable, eh ben, c'est ceux qui nous ont manipulés et qui ont mis en place les conditionnements et les programmes. Ben, de mon point de vue, c'est subtil, tout ça, c'est-à-dire que par rapport aux autres, aux êtres humains, bien c'est sûr qu'un être humain qui est inconscient et qui reçoit des pensées qui proviennent d'entités astrales pour commettre des crimes ou des meurtres, bien, il faut réaliser que à quelque part derrière l'acte commis qui est criminel, bien il y a eu une intention criminelle mais qui n'origine pas de l'individu étant donné que la pensée provient d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, ça change le regard sur le monde, je trouve ça. Exactement. Mais c'est sûr qu'en même temps, ça excuse pas nécessairement le geste de l'individu parce que l'individu a une certaine responsabilité par rapport à ses actes. Oui, je suis d'accord. Quand j'en parle avec mon fils, il me dit, mais moi, on pourrait bien me dire dans les oreilles d'aller tuer quelqu'un, jamais j'irai le faire. Parce que c'est pas. Voilà, je veux dire, il y a des choses, on sait qu'on est conditionné, mais il y a des choses qu'on ne pourrait pas nous faire faire, même si je pense qu'il y a peut-être une certaine responsabilité quand même derrière des personnes. Exactement. Et là, ça devient subtil parce que c'est selon le niveau de conscience. C'est sûr que si la personne n'a pas l'information que la pensée provient d'ailleurs, et elle pense que c'est elle qui pense, puis que si elle a une idée que c'est nécessairement intelligent, puis elle s'exécute, ben c'est là qu'on se ramasse avec des problèmes d'attentats terroristes, là, comme on voit entre autres là, en Europe là, depuis les derniers mois, là. Oui, tout à fait. Donc, ben d'ailleurs, j'étais curieux de savoir comment est-ce que tu vis ça, le phénomène du terrorisme international, parce que ça se passe beaucoup en Europe là, depuis les derniers mois, là, que ce soit en Belgique, en France, il y a beaucoup de pays là, qui ont eu des attentats, là. Ben, c'est difficile à vivre, je pense, hein. Oui, ben On j'en doute pas. Oui. peut pas le vivre bien. Non, c'est sûr que c'est. Bon, en tout cas, nous autres, on en regarde ça dans les bulletins de nouvelles là, au Québec. On en entend souvent parler, là, que ce soit l'attentat qui a eu lieu à Barcelone. Il y a différents endroits, mais c'est que de mon point de vue, en lien avec les attentats qui ont cours, c'est qu'il y a des entités astrales derrière ça qui cherchent à semer le chaos sur Terre et créer un règne de la peur. C'est une situation de tension internationale auquel on est confronté et c'est sûr que quelque part, il faut être capable de composer avec ça sans souffrir émotivement puis sans tomber dans la réflexion non plus. Oui, exactement. C'est pas toujours facile. Non, exactement. Et c'est là que ça nous permet de voir à quel point on est centrique et on a de la force de volonté. Oui. Oui, bien sûr. Sinon, par rapport à l'intégration de la conscience supramentale dans ta vie, est-ce que ça t'a amené d'autres changements? Alors, on a parlé des changements. Il y en a beaucoup et peut-être que je les vois pas tous. Mais ça m'a amené vraiment un autre regard sur tellement de choses que mon comportement. D'ailleurs, voilà, je vis avec quelqu'un qui n'est pas dans la conscience supramentale, mais qui a eu l'occasion de me dire au début, mais qu'est-ce que tu as changé? Je comprends pas que tu aies pu changer comme ça. Donc, c'est bien que ça a été ressenti aussi des autres personnes. Oui, parce que c'est un changement qui est vibratoire, donc que la personne vive la fusion ou qu'il la vive pas, il va sentir une modification, ne serait-ce que du comportement. Bien sûr, parce que j'étais quelqu'un avant ça, dans une personnalité, quelqu'un de très gentil, de toujours d'accord. Ben ça a beaucoup changé, alors forcément les autres, ils ne le vivent pas de la même façon. Je suis quelqu'un qui s'exprime beaucoup plus qu'avant et qui n'hésite pas à contredire, alors qu'avant, j'étais toujours d'accord, donc eh ben, ça ne se passe pas toujours bien. Exactement. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, ben, je te dirais que moi-même, avant, j'étais plus complaisant. Et à mesure que j'intègre cette conscience-là, je développe plus l'affirmation de soi. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour quelqu'un qui a connu une personne considérée comme ben, faible, on peut dire, et puis qui voit émerger une certaine force, une affirmation de soi, ben, il ne comprend pas vraiment. Non, exactement. Et la personne peut vivre ça comme étant choquant parce que elle n'était pas habituée de se faire remettre en question ou que l'autre s'affirme. Donc là, à ce moment-là, ça peut être très confrontant pour elle. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, j'essaie d'être moins réactive que je l'ai pu l'être au début, plus présente et puis d'adapter quand même mon langage. Donc je vais écouter la personne et quand elle va pas être d'accord avec moi, ben, je vais pas forcément réagir. Je vais, ben, des fois je me tais, comme ça j'ai rien à dire quand je suis pas d'accord. Et pour essayer de plus entrer en conflit, parce qu'au départ c'était ça, on rentrait en conflit, et moi j'en veux plus des conflits. Donc bah, c'est moi qui essaie de m'ajuster. Oui, mais en même temps, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds par les autres. Ah ben non, ça je suis... non, ça je le ferai plus. Non, exactement, mais je le précise parce que tout ça, c'est délicat. Parce que d'un côté, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds des autres, donc en s'affirmant, mais en même temps, il ne faut pas nécessairement non plus chercher le conflit. Donc, ça prend un comportement qui est très ajusté. Eh bien oui, j'ai l'impression que c'est ça, que je m'ajuste tout le temps au fur et à mesure, mais non, il n'est pas question que je me laisse marcher sur les pieds, ça non. Mais Oui. c'est juste d'essayer que ça se passe sans que je sois agressive parce que je l'étais au départ et sans que je sois trop réactive. Et tout ça, ben, c'est très subtil et ben, ça s'ajuste un petit peu chaque jour. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que de mon point de vue, à mesure qu'on se conscientise, à mesure qu'on ne tolère plus toute forme de domination. Oui, voilà, c'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que s'il y a des gens qui cherchent à nous exploiter, nous abuser, nous mentir, puis on le sent, ben, on va vouloir s'affirmer là, pour se laisser dominer. Mais en même temps, il y a une façon de le faire pour pas non plus créer des chocs disproportionnés puis amener des escalades là, verbales, là. Voilà, c'est ça. C'est de plus laisser faire. Mais de savoir le dire d'une façon plus adaptée, qui va pas amener l'autre dans le conflit. C'est un peu compliqué, Oui, mais c'est un petit peu compliqué, mais c'est important de le parler parce que ça permet de le clarifier, justement. voilà, c'est ça. Et puis, après tout, la parole permet une intégration et si tu vis quelque chose en lien avec ça, ben moi-même, j'ai vécu ça. Je sais aussi que d'autres personnes. Donc, ça a une utilité que ce type de sujet soit abordé parce que beaucoup de gens, quand ils se conscientisent, ben ils vont réaliser qu'à quelque part, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à leur vampiriser leurs énergies. Oui. Et puis, s'ils ne s'affirment pas, ben, ils vont se faire dilapider, voler leur énergie vitale. Mais en même temps, ça ne justifie pas non plus de tomber dans le comportement contraire, puis de devenir dominant, puis être confrontant, puis chercher là, à créer des chocs là, pour des chocs, là. Voilà, c'est exactement ça. Donc au début, ben, c'est trop réactif et puis après, ben, ça s'ajuste. Exactement. C'est sûr que, de mon point de vue, l'intégration de cette conscience-là change carrément notre rapport à la réalité et surtout nos proches, là, bien sûr. Puis, en lien avec ça, c'est sûr que, de ce que j'ai perçu, c'est que quand on est dans la spiritualité, on cherche à plaire aux autres, on est ouvert, on veut être gentil. Oui. Donc, on est beaucoup dans l'ouverture. Et l'intégration de la conscience supramentale vise à encadrer cette ouverture-là sans tomber dans la fermeture non plus par rapport aux autres, mais d'avoir un équilibre entre soi et les autres pour pas mettre les autres sur un piédestal. Voilà, et c'est cet équilibre qu'il faut arriver à ajuster, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un défi parce que historiquement parlant, on a été conditionné à donner de l'autorité à des maîtres, à des gourous, ensuite à des spécialistes dans le domaine de la psychologie, philosophie, etc. Donc, c'est de sortir de ce conditionnement social. Exactement. Et puis, toi, dans le fond, par rapport justement à être libre des conditionnements, est-ce que de toucher à la conscience supramentale t'a amené à faire des actions concrètes là, pour te libérer de certains conditionnements? Ben, ça m'a amené à m'éloigner de certaines personnes. Il y a même des personnes qui se sont éloignées toutes seules. Peut-être parce qu'elles ont ressenti un changement et puis que ce changement ne leur convenait pas. Oui, mais c'est intéressant d'aborder ça parce que des fois, c'est ce qui arrive, hein. Il y a des gens qui, lorsqu'on change de taux vibratoire, c'est comme si c'était trop pour eux. Ils n'ont d'autre choix que de s'éloigner parce que c'est comme s'ils étaient exposés à une trop grande quantité d'énergie par rapport à ce qu'ils sont capables d'absorber, ce qui aurait pour impact de les brûler psychiquement. Oui, sans doute, oui. Donc oui, ça change aussi des choses au niveau des amis, des relations. C'est plus vécu de la même façon. Voilà, on arrive à s'éloigner de certaines personnes, puis on en rencontre d'autres. Oui, exactement, qui vont être plus ajustés à notre vibration. Donc, à ce moment-là, ça permet de faire un ménage. Exactement, c'est ça. Il y a eu un grand ménage de fées, oui, tout à fait. Oui, et puis parlant de ménage, il y a quelques années, moi, ça m'avait amené à faire le ménage par rapport à mes livres, parce que j'avais beaucoup de livres de spiritualité que je me suis départi. Oui. Ensuite, ça m'a amené à faire du ménage aussi par rapport aux enregistrements de musique là, que j'écoute. Donc, il y a certaines musiques qui présentent une vibration trop basse par rapport à mon senti présent, qui fait en sorte que je ne peux plus les écouter. Eh ben, je peux dire que je vis la même chose. J'ai encore des livres sur le spirituel, mais je vais jamais les chercher, je vais jamais les lire. Les lectures ont changé et oui, l'écoute de musique aussi. Je regarde jamais la télé, mais ça fait déjà des années, c'était même avant. Ben, pour ma part, j'écoute un petit peu la télévision, mais c'est juste pour regarder les bulletins de nouvelles. Oui, ben. Je préfère les écouter à la radio parce que des fois les images, ça influence et c'est fait pour ça. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que les bulletins de nouvelles vont souvent s'organiser pour mettre des images fortes, des images chocs, pour attirer l'attention. Exactement. Donc à l'écoute, on se protège un petit peu. Exactement. Donc, c'est sûr que le contact avec cette conscience-là m'a amené à changer beaucoup de comportements, en tout cas en ce qui me concerne dans ma vie. Par exemple, au fil des ans, je suis de moins en moins intéressé à être dans des foules. Autrefois, j'allais écouter de la musique dans des foules, des spectacles, et puis aujourd'hui, ça m'intéresse de moins en moins. Oui, je peux dire la même chose aussi. C'est vrai. Ça, il n'y a plus l'envie de faire partie de groupes ou de choses comme ça. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques années, j'avais été voir un spectacle de musique à Québec, il y a ce qu'on appelle le festival d'été. Donc, c'était en 2010, j'avais été voir le groupe Rammstein. Et puis, le groupe de musique heavy metal est revenu il y a quelques années là, au Québec. Et puis, mon frère m'avait même offert de me payer le billet pour assister au spectacle. Puis, j'avais refusé parce que j'avais pas la sensibilité pour être exposé de nouveau à une foule comparable. Là, parce que les gens dans les foules, des fois, ils se mettent à crier, à hurler. Oui. C'est pas nécessairement agréable de prendre un bain de foule. En tout cas, où est-ce que j'en suis, puis en fonction de ma sensibilité, là, je sais pas pour toi, là. Oui, ben, je sais la même chose. J'aime pas trop tout ça. Il n'y a pas longtemps, je suis allée à un mariage, donc ça s'est bien passé. Et puis le lendemain, il a fallu encore revoir les personnes et tout ça. Et après, ben, j'étais un peu à saturation, j'ai eu besoin de me reposer par rapport à ça, contacter trop de monde, voilà, tout ça, c'est difficile aujourd'hui de se Oui. trouver avec beaucoup de monde et de devoir parler ben, de choses dont on n'a plus forcément envie de parler aujourd'hui. Oui, exactement. C'est sûr que de rencontrer des gens puis leur parler, par exemple, de la pluie puis du beau temps, de la température, Voilà. c'est quelque chose là qui m'intéresse moins là, au fil du temps. Ben, c'est pas vibrant tout ça. Non, c'est ça exactement. Ça ne nous amène pas dans une vibration mentale. Et Oui. comme ces personnes-là souvent sont plus superficielles, ça sert à rien de leur partager des choses non plus qu'ils peuvent pas absorber. Fait que soit qu'on parle de la température ou on parle de rien. Donc des fois, ce qui fait, c'est que ce qui arrive, c'est que je reste tout simplement en retrait là dans des occasions comme des décès ou ben, des mariages. C'est très rare là, que j'y vais là, mais je veux dire, des occasions où ce que c'est en lien avec plus des gens qui sont pas, qui touchent pas à cette conscience-là. Oui, mais je fais partie d'un petit groupe là où on fait de la randonnée une fois par semaine et je m'aperçois que de plus en plus, eh ben, je marche beaucoup toute seule parce qu'on commence à parler et puis moi je m'éloigne parce que ben, c'est des conversations, je trouve plus d'intérêt en fait. Oui, ben c'est la même chose que je vis, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui ont des conversations que c'est plus bas en vibration, comme du racontage, donc des gens Exact. qui répètent tout le temps les mêmes problèmes qu'ils vivent, mais qui se mettent pas en action concrètement pour les régler, pour moi c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, et naturellement je m'éloigne. Voilà, C'est ce qu'on arrive à faire, à s'éloigner, oui, tout à fait. Donc ça change aussi ben, le niveau relationnel. Oui, parce que ça amène une très grande sélectivité. Exactement, c'est ça. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, avec le temps, ça devient de plus en plus difficile de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde à mesure qu'on intègre cette vibration-là. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des enregistrements et des lectures. Hein. Ça permet quand même d'avoir des contacts avec ces personnes-là qui partagent. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que justement, un blog comme le tien, donc La Voix du Réel, ça peut être l'occasion à des personnes qui vivent un contact avec cette conscience-là de pouvoir avoir le plaisir de goûter à une vibration qu'ils ne goûteront pas nécessairement dans le quotidien. Ou il est question, que, si je pense au Québec, souvent les gens vont discuter d'hockey, ils vont discuter des vedettes au cinéma ou de la température. Donc, ça reste tout le temps par rapport à certains aspects de la vie, Oui. mais c'est toujours limité, puis il n'y a pas d'approfondissement vibratoire. Donc, ça occasionne tout le temps, en tout cas en ce qui me concerne, une sensation de lourdeur, là, ces conversations. Exactement, je ressens la même chose aussi. Donc moi, je m'éloigne. Oui, c'est souvent ce que je fais, parce qu'après tout, de vouloir rehausser la vibration chez des gens qui n'auraient pas la capacité de la supporter, ça serait un manque de respect par rapport à eux autres. Donc, Oui. à ce moment-là, j'ai un autre choix que de m'éloigner. Et c'est ça qui est plate un peu parce que d'un côté, on aurait beaucoup de choses à dire, mais en même temps, ben, si les gens ne sont pas capables de le supporter, ben, il faut les respecter là-dedans. Voilà, c'est exactement ça. Et des fois, ben, on n'a pas d'autre choix que de se taire ou de s'éloigner un petit peu. Oui, exactement. Et à un moment donné, je discutais il y a quelques années avec un de mes amis qui me disait que plus que tu vas avancer dans le processus de conscientisation, plus que tu vas savoir des choses, plus que tu auras le potentiel d'aider des gens, et plus que paradoxalement, il va falloir que tu te taises. Eh oui. Parce qu'en fait, on ne peut pas aider les autres. Oui, ça fait partie des illusions spirituelles. Exactement. Donc aujourd'hui, j'ai réalisé ça, qu'on ne pouvait pas aider. Donc, ben ça n'empêche pas d'être présent auprès des personnes. Mais Oui. c'était une illusion de croire qu'on allait les aider en quoi que ce soit. Non, exactement. C'est sûr qu'un être humain qui vit une certaine forme d'ouverture peut bénéficier de l'éclairage d'une autre personne si elle le cherche naturellement. Donc, ça peut avoir une certaine utilité. Mais en réalité, c'est la personne qui doit s'auto-aider, s'aider elle-même là, en allant chercher les ressources qu'elle a besoin en vue d'évoluer. Exactement, c'est ça. En fait, les entretiens ou les lectures qu'on peut avoir du supramental, elles servent juste à amener les personnes à aller chercher elles-mêmes, en elles-mêmes, quelque chose qui est là. Oui, les ressources qu'elle porte déjà en elle-même, le savoir dont elle est aussi porteuse. Voilà. Et puis d'ailleurs, quelqu'un qui réussit à régler ses problèmes par elle-même, c'est beaucoup plus satisfaisant que si c'est un autre qui le fait à sa place. Et Bien sûr. exactement. Et souvent d'ailleurs, quand c'est une autre personne qui cherche à régler les problèmes d'une autre à sa place, ben souvent ça dure pas parce que l'initiative ne provient pas de la personne concernée. Bien sûr. Et il faut en arriver ben, à s'individualiser, donc à régler les choses soi-même pour soi-même. Exactement. Et ça, c'est pas nécessairement évident au départ, parce qu'on est souvent habitué là, de tout le temps faire affaire avec le collectif, attendre après le gouvernement qui crée un programme, attendre avec la société qui nous donne les ressources. On a été assisté et d'un seul coup, eh ben, se dire, ben, il faut lâcher tout ça et puis un petit peu sauter dans le vide sans parachute, ben, on n'y arrive pas tout de suite. Non, exactement. Donc, ça amène un changement de psychologie, un changement de façon d'être dans le monde. Voilà, exactement. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, J'ai décidé sur une base individuelle de faire des enregistrements parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel en lien avec la conscience sur Internet. Donc, sur le plan individuel, au lieu d'attendre que le matériel arrive, j'ai décidé d'être proactif puis de générer moi-même mon propre matériel. Et ben voilà, et qui peut servir à d'autres effectivement après. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y en a de plus en plus de choses comme ça. Avec le Carrefour supramental, par exemple, il a amené beaucoup de choses. Daniel Kahneman, par exemple, je ne connaissais pas, on n'avait pas accès encore. Oui, bien, Daniel Kemp, ça a été au Québec un conférencier qui a été très populaire en lien avec la conscience supramentale dans les années 80-90. Oui. Et puis, c'est sûr que dans la même période, il y avait aussi Bernard de Montréal qui faisait des conférences, mais Daniel Kemp était plus jeune. Donc, Daniel Kemp avait une sensibilité aussi comme Bernard, là. À canaliser du matériel en lien avec la conscience. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de le découvrir. Il a réalisé de nombreux enregistrements. Il a fait également quelques écrits, notamment par rapport à l'enfant Teflon. Donc, c'est sûr que c'est un matériel qui peut, même s'il date de quelques années, être encore pertinent et utile là, par rapport à des gens aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et c'est intéressant d'avoir plusieurs personnes parce que le langage n'est pas toujours le même. Donc c'est intéressant de pouvoir écouter ou lire des personnes différentes aussi. Oui, exactement. Qu'il y ait une certaine variété, c'est intéressant. C'est sûr que l'un de mes rêves, c'est qu'éventuellement, il y ait l'équivalent un peu d'un bulletin de nouvelles, mais au lieu que ça soit produit par un média sensationnaliste, ça serait par des gens conscients qui permettraient de porter un regard éclairé sur l'actualité. Ah ben oui, là, ça serait très différent. Parce que l'information aujourd'hui contient beaucoup de désinformation et beaucoup de manipulation aussi derrière tout ça. Parce qu'on est amené à avoir beaucoup les problèmes dans les informations. On ne parle pas des belles choses qui se passent ou des bonnes nouvelles. C'est plus vendeur, les mauvaises nouvelles et tout ça. Donc, s'il y avait des nouvelles qui soient données par quelqu'un de conscient, ben ça serait très différent. Oui, exactement. La vibration serait plus haute et puis il y aurait moins de réflexion aussi subjective dans les propos. Parce que là, c'est sûr que beaucoup d'animateurs, que ce soit à la radio, à la télévision, vont chercher à attirer l'attention des gens en grossissant les problèmes, en dramatisant. Exactement, c'est ça. Donc ça crée un climat de peur et d'insécurité. Oui, exactement. Et puis c'est ce qui nourrit l'astral planétaire et qui favorise la croissance de cet égrégore, ce champ d'énergie à la surface du globe. Exactement. Et c'est une forme de pollution parce que éventuellement, lorsque la vibration mentale va descendre de plus en plus, eh bien le plan astral va être tassé et être dissous. Et à la place, il y aura tout simplement une structure d'énergie autorégulée mentale. Oui, je ne sais pas si on aura le temps physique de le voir, mais effectivement. Moi, j'ai l'impression que non, parce que la dissolution totale du plan astral est prévue pour s'effectuer sur plusieurs siècles. Exactement. Et puis quand on voit, oui, ça, je pense que ça ne peut pas faire autrement, parce qu'avant de toucher tous les êtres qui sont sur la Terre, ça ne peut que prendre beaucoup de temps. Exactement. Par contre, c'est sûr qu'à l'échelle de l'infini, que ça prenne 2 500 ans ou 3 000 ans, c'est une poussière, donc tout est une question de perspective. Oui, bien sûr. N'empêche que quand on est dans une vie sur la Terre et qu'on vit beaucoup de problèmes et de difficultés, ben, le temps il paraît très long quand même. Oui, exactement, parce que plus qu'on vit des événements qui sont justement difficiles, on va avoir tendance à les réfléchir, ce qui les augmente et ce qui crée une sensation de lourdeur. Oui, mais je pense que la conscience supramentale, ça a changé aussi mon regard sur le temps, parce que ben, je suis quelqu'un qui a 68 ans, donc qui est retraité, et j'entends les personnes un petit peu de mon âge autour de moi dire, oh là là, le temps passe de plus en plus vite. J'ai pas du tout ce ressenti-là. C'est comme si j'avais un autre regard sur le temps. Peut-être que je suis plus présente dans l'instant, je ne sais pas, mais pour moi, ça passe pas plus vite qu'avant, ni plus lentement. Ça se vit de la même façon, non, mais je me sens pas bousculée par le temps. Ah bien, c'est excellent parce que c'est sûr que beaucoup de personnes qui avancent en âge vont avoir tendance à réfléchir le temps en disant, ah, le temps passe, ça, je me rapproche du moment de ma mort, blablabla. Justement, c'est ça. Puis quand on sait que la mort, finalement, ben, c'est pas la fin de tout, bon, ben voilà, peut-être que c'est plus, on le vit plus de la même façon. Oui, parce que c'est ça enlève de l'anxiété et de la peur par rapport au moment éventuel de la mort. Voilà, c'est ça. Donc, autrement dit, l'intégration de la conscience supramentale t'a amené à changer ton regard par rapport à la mort. Bien sûr. Bien sûr. C'est un passage vers autre chose. Et puis, par rapport à ce passage, ben justement, j'allais te demander comment tu perçois la mort présentement? Comme un passage, parce que c'est seulement la partie physique, la partie matérielle qui va disparaître, et puis ben, il n'y a personne qui revient dans le même corps hein, après. Donc, ben, il y a la conscience, il y a ce qu'on appelle l'âme, l'esprit qui vont rester, puis qui vont vivre autre chose, ou ailleurs, ou ici, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une fin totale. C'est pas une disparition totale, c'est aller vers autre chose. Oui, exactement, parce qu'après tout, l'âme et l'esprit sont immortels. Voilà, exactement. Et de savoir ça, ben, ça change le regard sur la mort. Sauf que je voudrais pas retourner dans l'astral avec ce que je sais aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est la même chose pour moi, mais de toute façon, à mesure que ton niveau vibratoire change, ça crée une incompatibilité énergétique de ta psyché avec le plan astral. Oui, Et certainement. ce qui fait en sorte que, un peu comme quelque chose qui est indigeste et que la personne va vomir, bien le plan astral, face à une âme qui est en relation avec l'énergie de l'esprit, bien elle ne pourra pas l'ingérer et l'englober comme elle le faisait autrefois, étant donné que l'énergie est trop haute pour elle et elle est quelque part insupportable. Bien sûr. Ben, c'est rassurant de savoir ça. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui intègre la conscience ne retourne pas dans un état d'inconscience pour aller se reposer sur le plan astral avec d'autres êtres inconscients à cause du grand décalage au niveau vibratoire. Par contre, ça c'est la problématique qui demeure pas claire dans mon esprit, c'est de savoir est-ce que un être humain qui vit une fusion partielle avec l'esprit va se retrouver sur le plan mental en totalité ou en partie? Là, je n'ai pas la réponse non plus. C'est quelque chose que vous avez abordé avec Berthold dans un enregistrement. Et, Oui, ben tu bah, peux me tutoyer. Après tout, tu m'avais demandé avant l'entretien de me tutoyer. oui, je voulais dire vous, Berthold et toi. OK, Vous avez y a aucun abordé problème. tous les deux ce sujet. Donc, bah, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas non plus. Donc, c'est sûr que ça demeure pas clair pour moi. J'en ai parlé avec Berthold. Probablement, je vais en parler aussi avec d'autres intervenants dans le domaine de la conscience. C'est sûr que moi, dans mon senti, comme explication, ce que j'ai qui m'émerge en moi, c'est que ce que je vis en contact avec le plan mental qui a été branché de mon vivant, je le conserve dans l'après-vie. Donc, autrement dit, si j'ai intégré 5% de la vibration de mon esprit, bien, dans l'après-vie, il me reste ce 5%-là de branchement. Donc, ce qui est fait. C'est de savoir si dans l'après-incarnation, je vais pouvoir poursuivre l'intégration sur un plan parallèle avec la Terre, donc passer de 5 à 7 % ou il va falloir que je me réincarne pour poursuivre l'intégration, par exemple, d'un 5 à 6, etc., dans une autre vie. Et les discussions que j'ai eues avec différentes personnes m'amènent à penser que probablement que dans la préincarnation, je vais me retrouver sur un plan d'énergie se rapportant à d'autres personnes qui vivent un niveau d'intégration énergétique partielle en lien avec l'esprit. Par contre, il va falloir que je me réincarne pour poursuivre et approfondir l'intégration et la fusion avec le plan mental. Oui, ça me paraît correct, effectivement, de le voir comme ça. Mais c'est sûr que je ne t'ai pas, à un moment donné, si tu éprouves des désaccords par rapport à ce que je dis. Ben, pour l'instant, il n'y en a pas. OK. Sinon, de ton point de vue, j'étais curieux de savoir, qu'est-ce que est, selon toi, le but de l'incarnation sur Terre? Le but de l'incarnation sur Terre, Oui. ben, c'est d'en arriver un jour à retrouver le lien avec bah, les autres dimensions de qui on est. Donc, à redevenir, bah, je pense qu'on a été coupé, quand on est venu s'incarner sur la Terre, on a été coupé de nos autres dimensions. Et on avait des expériences à faire ici. L'expérience de la densité de la matière, l'expérience des basses vibrations. Donc, avec cette expérience-là, on va pouvoir retourner sur d'autres plans, bah, enrichi de cette expérience. Bah, je le ressens comme ça. Oui, ça permet un enrichissement personnel d'avoir goûté à la matérialité. Oui. Et par la suite, à quoi ça va servir? J'ai pas la réponse. C'est une question que j'ai souvent essayé de poser et j'ai pas vraiment la réponse. Oui, on aura fait cette expérience, mais à quoi elle va nous servir? J'avoue que là, je sais pas. OK. Ben, moi, je peux donner ma piste d'explication qui émerge. C'est sûr que là, l'idée de te poser des questions ouvertes comme ça sur des sujets qui t'amènent à parler d'une manière plus vibratoire, là, c'est-à-dire t'amener à vraiment te prononcer sur des choses très occultes ou voilées. Dans le fond, le but, c'est de faire de l'exploration, là. Oui, bien sûr. Donc, mais je vais te partager ma réponse. C'est que de mon point de vue, on vit des expériences sur Terre pour développer une capacité à utiliser un véhicule physique densifié dans la matière. Et puis éventuellement, si on se réincarne sur d'autres planètes, ben, qui sont de nature matérielle, ben, on a déjà une base. Un peu comme quelqu'un qui a déjà appris à conduire un véhicule automobile. Donc, il change de modèle de véhicule dans un autre contexte. Ça peut être dans une autre ville, dans un autre pays. Il a déjà la base d'être capable d'utiliser le véhicule automobile, donc ça lui sert d'acquis sur lequel s'appuyer pour éventuellement reconduire un autre véhicule. Oui. Et par la suite, il y a d'autres éléments d'explication. C'est sûr que l'expérience accumulée au niveau de l'âme puis la maîtrise du véhicule physique peut éventuellement servir à une âme qui évolue, bon, de vivre la fusion avec l'esprit lorsqu'elle a la capacité de tenir compte de cette vibration, de l'intégrer et éventuellement devenir créative dans la matière. Et éventuellement, l'âme qui a intégré la vie sur le plan terrestre pourrait participer à l'évolution et l'expansion de l'univers en générant d'autres planètes sur le plan physique dont elle ferait l'administration. Ah oui, c'est quelque chose qui me parle effectivement de le voir comme ça. De toute façon, il faut bien qu'elle serve à quelque chose, cette expérience-là, forcément. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que la personne qui participe à la vie sur Terre, donc à une vie planétaire, pourrait éventuellement participer à générer d'autres planètes avec d'autres plans d'incarnation qui impliquent d'autres âmes pour amener d'autres personnes à vivre d'autres expériences, mais en tirant profit de l'intelligence qui se rapporte aux essais et aux erreurs qui ont eu cours sur Terre, donc sur une autre planète qui pourrait être générée que la Terre, eh bien, il y aurait des erreurs qui pourraient être évitées, qui ont été connues sur Terre, dont notamment par rapport au fait que l'âme n'est pas capable de se corriger par elle-même. Oui, là je suis d'accord parce que j'avais beaucoup de questions par rapport à ça et Pour moi, il y a aussi des erreurs qui ont été commises, hein, certainement. Oui, parce que le plan évolutif sur Terre est extrêmement souffrant parce que si l'âme ne se corrige pas par elle-même, donc ne s'adapte pas, ne s'ajuste pas à plus d'intelligence, ben ça prend tout le temps des chocs pour éventuellement qu'elle établisse le contact avec l'esprit, puis éventuellement lors de la fusion, elle intègre l'énergie de l'esprit, ce qui lui permet de s'auto-corriger en travaillant en concertation avec la vibration de l'esprit. Mais tant que ce point n'est pas arrivé dans la vie de l'individu, l'individu souffre tout le temps du choc qui vise à la réajuster. Oui, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Alors, je ne peux pas dire que je l'accepte, je le vois autrement, mais je trouve ça quand même, oui, très difficile. Je pense qu'on aurait pu faire cette expérience-là sans passer par autant de souffrances et par autant de chocs. Oui, exactement. Et c'est la raison fondamentalement que je vais critiquer et contester le plan d'évolution sur Terre qui passe par de l'essai et l'erreur, donc la conscience expérimentale, parce que j'ai vécu beaucoup de souffrances, j'ai observé beaucoup de mes proches qui ont vécu de la souffrance. Il y aurait beaucoup de Oui. souffrances qui, si la personne aurait été en contact immédiat avec l'esprit, auraient été évitables, naturellement, là. Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire, moi aussi, ça ne me semble pas utile qu'il y en ait eu autant. Il a pu y avoir une erreur, effectivement. C'est ça, mais la problématique, de mon point de vue, liée au fait que l'âme ne se corrige pas par elle-même, c'est que ça occasionne, vu que l'âme ne se réajuste pas, des erreurs qui occasionnent d'autres erreurs, et c'est un petit peu comme un vice de programmation, c'est-à-dire que si le logiciel est mal programmé, ben il s'ajuste pas par lui-même, mais c'est sûr que bon, l'époque présente est intéressante parce que on peut de plus en plus toucher à de la vibration de l'esprit et lorsqu'on l'intègre, ça nous permet de davantage s'auto-corriger en fonction d'une communication interne avec notre source, chose qui Oui. n'était pas possible autrefois, là. Bien sûr, ce qui reste difficile pour moi, Oui. c'est de voir des proches qui continuent à souffrir et qui comprennent pas pourquoi c'est si difficile, pourquoi ils souffrent autant. Et puis, ben, on ne peut pas leur parler tant qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Oui, exactement. Et ça, c'est un aspect particulier, c'est d'être capable de développer la capacité de contenir la souffrance de proches. Et Voilà. des fois, c'est difficile de s'en retenir parce que des fois, on aurait le goût de leur dire, ben c'est simple, il faut que tu fasses telle affaire. Mais en effet, si la personne n'est pas prête à le recevoir, c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Mais ça nous amène à développer de la patience. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Donc, c'est sûr que pour moi, quand que je regarde l'humanité en général, la société, il y a beaucoup de mouvements qui sont des non-sens. Donc, Oui. des choses qui vont nous amener à, c'est-à-dire à nous confronter à un mur, que ce soit les problèmes environnementaux. C'est sûr que de mon point de vue, si on pollue, puis on pollue pendant des décennies, c'est sûr qu'à un moment donné, l'être humain va en payer le contre-coup, puis on va se ramasser avec des gens qui ont des problèmes de cancer et autres maladies. Il y a déjà des problèmes. Oui, c'est ça, mais ça risque d'augmenter puis d'empirer. Oui, voilà, c'est ça. Et pour l'instant, ben, on ne voit pas vraiment comment on va pouvoir résoudre ça et dans combien de temps. Ça me paraît quelque chose de très long avant de pouvoir le résoudre. C'est vrai qu'on voit les conditions de vie devenir de plus en plus difficiles. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est la situation planétaire qui n'est pas nécessairement agréable à voir, mais sinon pour en revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire d'accepter que des personnes ne changent pas, des fois ça devient désagréable à mesure que notre capacité de percevoir en profondeur la nature de certaines problématiques augmente, parce que ça devient de plus en plus, dans le fond, simple de voir certaines choses. Tu sais, on peut être en contact avec une personne, on voit qu'elle fume. On le voit qu'elle a des problèmes au niveau de sa capacité de communiquer. On sent qu'il y a un chat souvent dans sa gorge quand qu'elle parle. Et on peut avoir même l'intuition que si elle persévère dans cette voie, donc continuer de fumer la cigarette, qu'éventuellement elle peut développer un cancer du poumon. Donc, on peut tout voir ça, mais si la personne n'a pas l'ouverture d'arrêter, ben ça sert à rien de lui dire d'arrêter parce que on risque de se la mettre à dos. Exactement. Et puis on peut se dire aussi, bah, si c'est pas dans son programme, ça se fera pas. Exactement. Et ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire qu'on est confronté à des programmations qui sont, de mon point de vue, astrales et mentales. Et Oui. si la personne n'a pas à passer une programmation mentale et vibratoire, bien à ce moment-là, il n'y a rien à faire pour la changer parce qu'elle ne sera pas mise en vibration pour intégrer le changement. Exactement. Et ça fait partie des difficultés au départ d'en arriver à plus essayer d'aider la personne en lui disant bah tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, mais on en arrive à plus le faire parce qu'on se rend compte que ça sert à rien. Exactement. Donc, c'est de l'énergie perdue. Donc, ça nous amène à nous déspiritualiser. Voilà. Puis, par la suite, bien, ça amène à mieux utiliser notre énergie. Donc, s'occuper adéquatement de soi plutôt que de se mêler des affaires qui ne nous regardent pas, là. Donc, ça, c'est un autre aspect important, là. Oui, bien sûr, parce qu'on avait été conditionné à s'occuper d'abord des autres avant nous. Et maintenant, ben, c'est la démarche contraire. Il faut s'occuper d'abord de soi. Oui, exactement. Donc, ça nous amène à arrêter de vouloir jouer au sauveur. Oui, tout à fait. Bien qu'à mesure qu'on avance en conscience et à mesure qu'on peut obtenir des réponses, puis à mesure qu'on pourrait être efficace pour aider d'autres personnes. Oui, c'est un peu contradictoire tout ça parce que on a beau savoir beaucoup de choses, et ben on peut pas apporter le savoir à quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. Non, exactement. Et ça, c'est particulier parce que plus qu'on avance, plus qu'on sera en mesure d'aider des gens efficacement, mais moins on a à le faire, puis moins c'est-à-dire plus qu'on réalise que c'est une perte de temps de le faire. Exactement, Fait que c'est vrai. c'est ça, fait que souvent ce qui arrive, c'est que des gens qui commencent à se conscientiser découvrent ça, puis là, ils veulent aider les autres, mais ils n'ont pas nécessairement la maturité pour le faire. Et oui, donc on finit par plus le faire. Oui, à mesure qu'on avance en conscience, moi, on est intéressé justement à aider les autres. Donc, on ne le fait plus, mais paradoxalement, on aurait la capacité de le faire d'une manière efficace de plus en plus. C'est vrai, il y a des choses assez contradictoires dans tout ça. Exactement. Quoique, si on est mis en vibration pour faire un mouvement par rapport à une personne, des fois, je vais le faire, mais il faut vraiment que je sente que la vibration est là. Et oui, bien sûr. Autrement, ça va pas marcher. C'est ça, exactement. Parce qu'à ce moment-là, il faut suivre la vibration. Parce que si on n'a pas la vibration d'aider quelqu'un, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, il y a un timing pour ça. C'est sûr que ce qui peut nous mettre en vibration de faire un mouvement pour aider une personne, un mouvement ponctuel, je parle, c'est l'esprit. Et c'est sûr que ça m'amène à te parler du fait que plus qu'on intègre la vibration, plus qu'on vit en fonction des lois de l'esprit. Oui, exactement. Et Ça change les oui. choses. Oui, c'est ça, ça change les choses, là. Vivre en fonction des lois d'énergie et de les percevoir, c'est sûr que ça change notre rapport aux autres, puis notre rapport à la société, en fait, globalement, là. Ben, en fait, on est amené à laisser complètement tout ce qu'on avait appris, tout ce qu'on avait cru. C'est un changement total en fait. Oui, bien, c'est un dépouillement. Un dépouillement, voilà. De mon point. Exact. Oui. Non, j'ai rien à ajouter. Non, c'est bien correct. Donc, c'est sûr que, en passant pour les auditrices, auditeurs qui nous entendent, vous devez comprendre que présentement, c'est une conversation en audio, donc on ne se voit pas. Fait que c'est sûr que ça peut arriver à certains moments donnés qu'on veuille commencer à parler simultanément. Donc, Oui. il y a ça à mettre en contexte. Mais sinon, ce que je voulais rajouter, c'est que lorsqu'on se conscientise, on est amené à se dépolluer de vibrations astrales pour que de l'énergie mentale qui descend la remplace. Donc, une restructuration de notre être, c'est une mutation psychique que j'appelle. Et puis, par rapport à ça, c'est sûr que ça change notre comportement, ça change notre manière d'être. Et puis, ça nous amène à fonctionner en fonction de lois qui sont au-delà de l'ego et de l'orgueil. Exactement, c'est tout à fait ça. Et plus qu'on est capable de voir aussi tout ce qui est astral, l'ego, l'orgueil, et plus qu'on est capable aussi de prendre un recul critique là, par rapport à ça. Oui, exactement. Je ressens comme ça aussi. Sinon, j'étais curieux de savoir, est-ce que le contact avec la conscience mentale t'a amené à changer tes habitudes alimentaires? Je crois pas, non. OK. J'étais déjà plutôt, depuis plusieurs années, plutôt végétarienne. Et c'est quelque chose qui me convient très bien au niveau de la santé. Donc, ça n'a pas changé. Bien, c'est excellent. C'est sûr que pour ce qui est de mon cas, moi, j'ai grandi dans un contexte où ce que les gens de ma famille mangeaient presque exclusivement de la viande. Et Oui. puis, j'ai diminué là, ma consommation de viande. Et puis, je trouve ça plus léger, là, c'est sûr, l'alimentation végétarienne. D'ailleurs, ça se digère souvent mieux. C'est plus facile pour la digestion. Je ressens moins de tension là, au niveau du ventre, là, de l'abdomen, là. Donc, c'est sûr que ma sensibilité qui a augmenté fait en sorte que parfois, parce qu'il m'arrive encore de manger de la viande, là, je reste omnivore, mais des fois, quand que je mange certaines viandes, c'est comme si je ressentais la colère ou la souffrance émotionnelle qu'a vécu l'animal au moment de sa mort ou de son existence. Mais c'est un peu ce ressenti-là qui m'a amené à arrêter Bon. de manger de la viande. Et ben, j'en mange parfois un petit peu, mais plus de la volaille, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une viande blanche, mais je serais incapable de manger de la viande rouge aujourd'hui. OK. Donc, c'est sûr que cette conscience-là peut nous amener à vivre différents changements. Et dans mon cas, ça m'a amené à revisiter différents aspects de ma vie. Donc, que ce soit l'aspect financier, l'aspect relationnel qu'on a beaucoup parlé tantôt, l'alimentation aussi. Donc, je pense que tous les aspects du quotidien peuvent être revisités. À fonction de l'intégration de la vibration, là. Oui, on peut dire que c'est un changement total. Oui, exactement. Sinon, de point de vue en lien avec cette intégration, est-ce que il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui sont nouvelles que tu faisais pas autrefois? Des choses nouvelles. Oui, est-ce que tu t'es découvert des nouveaux intérêts? J'ai plutôt laissé des choses OK. que d'en trouver d'autres. Il me semble que j'ai plutôt laissé des choses. Oui, ben en tout cas, c'est sûr que ça nous amène à te dépouiller de certaines choses qui occasionnaient de la lourdeur. Voilà, oui. Donc, il y a cet aspect-là, mais pour ma part, ça m'a amené à m'intéresser de nouvelles choses, dans le sens qu'avant que je vive mon processus de conscientisation, jamais joué à des jeux vidéo. D'ailleurs, là, j'en joue presque plus. Puis, je m'intéressais pas du tout à entendre parler de conscience, puis conscience supramentale. Donc, c'était pas des sujets dans lesquels j'ai grandi, dans le sens que mes parents, mon frère, c'est des choses qui parlaient pas. Il a fallu que par la suite je m'intéresse à de la spiritualité qui m'a amené éventuellement à tomber sur des enregistrements de Bernard et là m'intéresser à ces choses-là. Et c'est sûr que ma mère est surprise d'apprendre que je m'intéresse à de la conscience supramentale, étant donné que j'ai grandi dans un contexte où ce que c'était pas une conscience qui était véhiculée par mon environnement. Oui, bien sûr. Bah, moi non plus, j'ai pas été dans un contexte qui parlait de ça. J'ai même été amenée à rencontrer le supramental très tard dans ma vie. Vers quel âge? Ben, c'était en 2011, j'avais 62 ans. Donc, c'est très tard déjà dans la vie. Ben, c'est sûr que chaque chose va en son temps, là, comme on dit, là. Voilà, c'était programmé comme ça chez moi, donc. Sinon, ce que je peux te mentionner, c'est que ma mère, à mon contact, a été mise en relation avec ce matériel-là au début de la soixantaine. Oui. Et puis, elle a fait une intégration personnelle. Donc, de mon point de vue, quelqu'un peut être dans la soixantaine ou dans la trentaine et peu importe en fait l'âge. C'est sûr que en même temps, à mesure qu'on avance en âge, l'intégration devient plus difficile étant donné qu'il faut délaisser des mémoires anciennes et généralement les êtres humains au fil du temps ont tendance à les accumuler. Oui, Donc bien c'est sûr. oui. Il y a une plus grande partie de vie qui a été vécue dans l'inconscience, en fait. Donc, ben, il y a plus de choses à laisser derrière. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a un plus grand dépouillement à faire. Par contre, c'est possible. Si la personne a la volonté, il est possible d'avoir un certain niveau d'intégration, mais c'est que les nouvelles données vont faire obstacle à des données anciennes qui pouvaient être logées dans de la mémoire, ce qui peut occasionner une forme de dualité intérieure. Oui. Donc, tandis que si l'enfant, dès sa naissance, est exposé à du matériel supramental et qu'il n'a pas de préjugés et de comparatifs en fonction d'une mémoire ancienne parce qu'il n'a pas accès aux vies antérieures et ne vit qu'en fonction d'une mémoire qui est neuve, bien à ce moment-là, ça se fait tout naturellement parce qu'il ne peut pas comparer les éléments qui proviennent de cette conscience-là avec d'autres éléments qui il aurait accès au niveau mémoriel. Oui, bien sûr. Mais c'est certainement difficile à vivre aussi pour un enfant, ça. Il faudrait qu'il ait des parents conscients. Oui, exactement. Pour que cette conscience-là s'intègre, parce que sans ça, ça crée un décalage entre les deux. Ils sont pas sur la même longueur d'onde, ça peut occasionner des conflits. Oui, moi j'ai un exemple. J'ai un petit-fils qui a aujourd'hui 9 ans. OK, Et puis oui. à l'âge de 3 ou 4 ans, quand il avait fait une bêtise, il disait, mais papa, c'est pas moi, c'est mon cerveau qui m'a dit de faire ça. Donc il avait déjà ça, mais bon, c'est certainement difficile à vivre pour lui dans le quotidien, dans la mesure où il n'a pas des parents qui peuvent lui en parler. Oui, exactement, et c'est ce qui peut occasionner beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que si les parents ne sont pas sur la même longueur d'onde et ne sont pas capables d'intégrer et de travailler avec la vibration mentale, ben ils peuvent pas lui donner un soutien qui est adéquat. Eh oui, et puis moi je le vois pas souvent, donc j'ai pas beaucoup l'occasion de lui parler. Enfin, de toute façon, parler de tout ça à un enfant, c'est difficile aussi, hein. Et parce que moi je lui avais dit, ben oui, c'est vrai, il y a une voix dans ta tête, ben, qui te fait faire des bêtises ou tout ça, puis c'est pas réellement toi. Et puis il m'a dit, ben, tu sais, mamie, je l'écoute quand même, ma tête. Ben oui, forcément, pour un enfant, c'est compliqué. Oui, exactement. C'est sûr qu'un enfant qui est en développement, bien, il y a des choses quand même qui peuvent être faites, mais c'est des interventions avec beaucoup de délicatesse. Voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est sûr que si les enfants auraient accès en bas âge à une psychologie supramentale, au lieu d'être exposés à un conditionnement religieux, ben, ça ferait en sorte que par la suite, il n'y aurait pas besoin de se défaire d'un conditionnement religieux comme ça a été le cas de beaucoup de gens ici au Québec dans les dernières décennies avec le déclin de la religion. Et puis, les gens qui quittaient la religion pour toucher à de la conscience supramentale ou de la conscience spirituelle, parce qu'en réalité, c'est sûr que ici, c'est la conscience spirituelle, la conscience du nouvel âge qui prit davantage le relais sur la religion que la conscience supramentale, là. Mais si ces gens-là auraient eu accès dès la base à de la conscience supramentale, ils n'auraient pas eu besoin de passer par la conscience religieuse, conscience du nouvel âge, pour ensuite aboutir à cette conscience-là. Donc, il y aurait moins, j'allais dire perdu de temps, mais en même temps, ça peut être utile aussi de faire des transitions de différents niveaux pour se détacher progressivement de la forme. Oui, bien sûr, mais on va certainement voir. ben, des parents conscients qui vont avoir des enfants et qui vont pouvoir ben, les suivre et arriver à ce qu'ils ne soient pas pollués. Oui, exactement. Et ça va sans doute se faire au fil des siècles, là, que les gens vont être de plus en plus dépollués et vont moins polluer justement les enfants qui, en contrepartie, n'auront pas à se dépolluer d'une programmation qui est néfaste. Donc, c'est sûr que si les gens auraient toute une sensibilité égale à Bernard de Montréal de son vivant, la question ne se poserait pas aujourd'hui. Eh oui, évidemment. N'empêche que s'il y a des gens qui ont une certaine conscience qui permettent à l'enfant de grandir et vraiment de se réaliser dans son plein potentiel au lieu de le polluer avec des mémoires lourdes puis des conditionnements sociaux, ben ça va quand même représenter un très grand progrès pour l'évolution de ces gens-là. Oui, ça sera plus facile pour eux. Exactement. C'est sûr que présentement, de toucher à la conscience supramentale nous met dans une position de pionnier. Le Oui. pionnier psychique et de mon point de vue, des fois, quand que je réfléchis, j'aurais comme le goût de dire, ah ben, avoir su, je m'aurais incarné dans 300 ou 400 ans, où est-ce que ça va être plus facilement intégré par la société et intégrable par l'individu? Oui, bien sûr, mais peut-être qu'on sera amené à revivre une vie sur la Terre avec des parents conscients et avec beaucoup plus de monde conscient sur la planète. Exactement. Par contre, en même temps, le scénario terrestre, même si peut-être dans quelques siècles, va être plus raffiné et ajusté à la sensibilité de l'individu, c'est sûr qu'en tant qu'être qui prend conscience de toute l'ampleur du mensonge cosmique, de la manipulation, etc., ça me donne plus le goût de revenir sur Terre. Ben oui, je me dis la même chose, je préférerais aller voir ailleurs ce qui se passe. Oui, exactement, parce que plus qu'on se conscientise, plus qu'on réalise à quel point la condition évolutive de la Terre, c'est-à-dire d'inconscience, est lourde à porter. Oui. Et moi, même si ça s'allège un peu dans les prochaines décennies, ça demeure quand même lourde. Et à quelque part, en tant qu'individu qui touche à de la conscience, éventuellement, ma volonté, c'est d'être un agent libre qui devient une structure énergétique qui voyage librement dans le cosmos. Donc, qui n'a plus nécessairement besoin de passer par l'incarnation pour évoluer, mais qui évolue plutôt d'un auto-mouvement de génération énergétique. Oui, bien sûr, je comprends. Mais est-ce qu'on a le choix? Et là, tu soulèves la bonne question. C'est une très bonne question parce que, quelque part, on n'a pas le choix dans le sens qu'on n'a pas de libre arbitre, au sens absolu. Oui. Donc, c'est sûr que même si en tant qu'ego, je voudrais atteindre un niveau élevé d'énergie, si j'ai pas les corps pour l'intégrer, j'aurais pas le choix de me réincarner pour développer les corps qui vont me permettre de contenir cette grande quantité d'énergie et être capable de l'assumer d'une manière volontairement consciente. Oui, Mais, bien sûr. ouais. Mais c'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que le fait de pas avoir le choix de vivre certains événements ou certaines expériences, ça me contrarie beaucoup en tant qu'ego. Oui, ça me contrarie aussi. C'est très difficile de savoir qu'on est des êtres ben, programmés et puis que c'est pas nous qui tirons les ficelles, en quelque sorte. C'est difficile à de le savoir, ça. Oui, exactement, c'est très difficile à assumer. Et d'un côté, de goûter à cette lucidité-là, d'un côté, c'est intéressant parce que ça nous permet de regarder les choses avec une plus grande clarté. Mais en même temps, pour moi, je trouve ça extrêmement souffrant de réaliser que ma vie est programmée par des êtres invisibles qui vont faire en sorte que certains événements vont arriver plus tôt que d'autres. Alors qu'éventuellement, je veux faire une gestion totale de ma vie à partir de moi, de ma volonté. Oui, bien sûr. Ça fait partie des choses, effectivement, qui restent difficiles. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que de réaliser ça, ça a là j'allais dire une certaine lourdeur, en tout cas en ce qui me concerne à porter, parce que Premièrement, de réaliser qu'à quelque part, ma vie m'échappe par rapport à sa programmation, à l'égard des principaux événements. C'est une forme d'aliénation pour moi. Je trouve ça aliénant. Ben, c'est un peu comme quand on parlait de la souffrance actuelle, elle peut se situer à ce niveau-là, Oui. de savoir qu'on n'est pas des êtres libres, alors qu'on aspire qu'à la liberté finalement. Oui, exactement. Donc, on aspire à être bien dans notre peau, à être bien dans notre mental, et on est confronté à un contexte d'évolution, de programmation, qui fait qu'on n'est pas libre, mais ça peut nous amener à monter en volonté pour éventuellement avoir une volonté qui se développe de plus en plus, puis être capable de court-circuiter les volontés qui amènent des programmations qui nous sont défavorables. Oui, exactement. Il vaut mieux le voir comme ça, effectivement. C'est sûr que plus que je monte en volonté, moins je me sens influencé par le plan astral, parce que la volonté, en fait, qui est en relation avec l'intégration de l'énergie mentale, amène une puissance qui est plus grande, qui est plus élevée que celle d'entité astrale, qui fait en sorte que à ce moment-là, on va moins être sous l'emprise et l'influence d'êtres dont la volonté est moins ferme. Tout à fait. Et je pense que le fait de savoir que c'est eux, de savoir qu'ils sont là, ben ça les empêche d'agir comme avant. Parce que du moment qu'ils sont vus, ben, qu'on sait qu'ils sont là, qu'on peut les contrer, ben ils vont moins se manifester forcément. On va plus être intéressant pour eux si on les nourrit plus. Oui, exactement. Donc, autrement dit, si on se laisse plus vampiriser nos énergies par des entités astrales qui pouvaient nous amener à faire des actions qui sont nuisibles, donc quelqu'un, par exemple, sous l'influence d'une entité astrale qui lui dit dans la tête d'aller jouer au casino, se rend dans un lieu de jeu de hasard et dépense des milliers de dollars, si la personne est capable de s'opposer à cette idée qui lui est présentée dans sa psyché et de la contester, ben à ce moment-là, il donne plus du pouvoir à l'entité astrale qui agissait ainsi. Et si l'entité astrale voit pendant une bonne période de temps que l'individu ne marche plus en fonction de ses suggestions, bien à ce moment-là, il va se détourner de cette personne et il va plutôt essayer de parasiter l'énergie d'une autre personne qu'elle va essayer d'influencer. Oui, exactement. Donc, d'un côté, c'est intéressant de se conscientiser parce qu'on se dépollue de certaines entités qui pouvaient nous parasiter notre énergie vitale, mais en même temps, bien, c'est sûr que de réaliser que du fait qu'il n'y a pas de libre arbitre, bien, ça occasionne, en tout cas, en ce qui me concerne, une certaine contrariété là, par rapport à notre situation existentielle. Oui, bien sûr, parce que quelque part, on a juste changé de manipulateur, si on peut les appeler comme ça. Oui, parce que plus qu'on avance, moins on est manipulable par des entités de basse vibration qu'on voit rapidement venir. Par contre, on peut être encore manipulable par des êtres plus subtils. Donc, en fait, quand la vibration est grossière, la vibration est dense, la vibration est très émotivante, on la voit très rapidement. Mais quand la Oui. vibration est plus subtile, des fois c'est plus difficile à voir et c'est là qu'on peut être manipulé. Et ça devient de plus en plus subtil. Oui, exactement. Donc, c'est un petit peu pour illustrer ça pour les gens qui nous écoutent. C'est qu'autrefois, lorsqu'on est inconscient, bien, on est manipulé malgré nous par des êtres, étant donné que la pensée provient d'ailleurs. Donc, on recevait des pensées, puis des fois, elles étaient grossières. Donc, on pouvait agir en fonction d'elles. Donc, ça peut être d'acheter un billet de loterie, ça peut être, dans certains cas, de consommer de la drogue, etc. Lorsqu'on augmente en vibration, les suggestions sont moins destructives, et puis on a plus d'esprit critique, mais il peut en avoir également qui sont néfastes et qui vont à l'encontre de notre intérêt, d'où le fait qu'il faut monter en intelligence. Donc, éventuellement, l'individu qui se conscientise se libère de l'influence astrale, et puis après, ben, il faut qu'il se libère aussi de l'influence mentale. Et ça, c'est un aspect qui est également important d'aborder parce que beaucoup de personnes pensent que, ah, je suis en contact avec le plan mental, c'est réglé. Mais non, il faut aussi qu'il se libère de certaines influences mentales pour pas souffrir de son contact avec l'esprit ou ce que certains appellent le double. Exactement. Il me semble qu'il faut s'ajuster à la même vibration pour plus. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de nous qui nous dirige, en fait. Et si on arrive à monter en vibration et en intelligence et atteindre le même niveau, à ce moment-là, on n'est plus manipulable par ce plan-là. Exactement. Et c'est là le défi, parce que il faut monter en volonté, et pour accoter la volonté du double, ça demande beaucoup d'intelligence, parce que c'est une volonté qui est beaucoup plus intelligente que celle d'entité de basse vibration astrale. Bien sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a une hiérarchie d'entités qui vont faire de l'influence. Et c'est sûr que plus qu'on augmente en intelligence, plus qu'on est confronté à des influences qui sont de nature subtile. Et si on réussit à passer ces tests-là, ben c'est là qui nous amène, c'est là en fait que ça nous amène à éventuellement à coter, à égaliser l'énergie de notre propre esprit. Et c'est lorsque on arrive à ce point que l'intégration avec lui se finalise, là, ouais. Oui, tout à fait. En fait, notre défi aujourd'hui, c'est ça, c'est d'arriver à ajuster la volonté et la vibration au même niveau que ce qu'on appelle l'esprit. Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir différents noms, là, naturellement. Mais en effet, c'est l'enjeu auquel je suis confronté dans ma propre vie, d'égaliser mon rapport avec l'esprit pour ne pas être soumis à sa volonté et qu'éventuellement nos deux volontés soient unifiées dans une volonté intégrale qui va me permettre, de vivre dans une compréhension du réel qui est beaucoup plus grande aussi. Et de mieux intégrer la vie. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Oui, et c'est intéressant de voir que, en dépit des distances, parce que moi je suis situé au Québec et toi en France, il y a des gens qui simultanément sur Terre travaillent à la même chose, parce que c'est quelque chose de quand même pointu, là. Oui, tout à fait. Et ben, c'est dans ce sens-là qu'on s'aide entre guillemets parce que on s'encourage mutuellement à avancer dans quelque chose de nouveau, en sachant qu'on n'est pas tout seul et puis qu'il y en a d'autres, d'autres endroits de la planète qui vivent la même chose. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que j'ai l'impression qu'au fil du temps, il va y avoir de plus en plus de sites Internet, de blogs comme le tien ou d'enregistrements de gens qui vivent le processus et qui vont prendre la parole en vue de l'intégrer. Et puis, ça va se diffuser petit à petit, puis de plus en plus, les gens vont accéder à de plus en plus de ressources facilement. Oui, Donc ça va être facilité. Ouais. ben oui, on défriche un petit peu le terrain et puis ça sera un peu plus facile pour ceux qui viendront après. Oui, exactement. Donc c'est sûr que d'un côté, c'est un petit peu ingrat de défricher le terrain, de servir de pionnier. Parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de support. Et lorsque le terrain va être bien déchiffré, défriché, les gens vont accéder à beaucoup de support, mais en même temps, ils n'auront pas fait tous les efforts pour le processus de défrichage de base, là. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est un peu ce que vous avez vécu au Canada physiquement. Oui, parce qu'après tout, des gens de l'Europe, notamment de la France, sont venus ici, ils ont défriché, la difficulté avec ce mot-là, le territoire du Québec, et puis s'est développé des fermes, s'est développé des villes. Et c'est sûr que ça s'est beaucoup développé là, au fil du temps. Et ben, c'est sûr que d'un côté, on bénéficie quand même du déchiffrage, hey, je vais arrêter de dire ce mot-là. Du défrichage qui a été fait par nos précurseurs, notamment par Bernard de Montréal, Oui. qui, de par ses enregistrements, parce qu'il y en a au-dessus de 500, nous donne accès quand même à une bonne base pour notre intégration personnelle. Oui, on a quelques aides quand même et on a eu quand même les personnes un petit peu avant nous. Oui, exactement. Donc, on peut bénéficier de l'intelligence. Et puis, comme on fait partie de ce cycle d'évolution, bien éventuellement, il est possible que d'autres personnes puissent bénéficier de notre intelligence dans les années qui vont suivre. Oui, bien sûr. Donc, sinon, étant donné que le temps file, par rapport à ton blog, est-ce que tu avais des choses particulières que tu voulais dire? Il me semble pas. Le blog, moi, je vais écrire pas régulièrement. C'est quand il y a quelque chose qui se présente. Donc, non, j'ai pas grand-chose à dire. Simplement que, voilà, comme on l'a déjà dit, c'est d'abord pour moi que j'écris. Mais si ça peut aider des personnes et les amener eh ben, à écrire aussi ou à faire aussi des enregistrements, eh ben, c'est très bien. Oui, exactement. C'est sûr qu'à quelque part, si d'avoir écouté l'enregistrement que j'ai fait avec Bertolt t'a inspiré à écrire un article, ça peut aller dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si je lis des textes de ton blog, ben ça peut me donner de l'inspiration pour faire des enregistrements. Et là, la roue se nourrit d'elle-même. Voilà, oui. Donc, c'est ça, c'est un blog qui peut être intéressant à découvrir. Donc, je rappelle les coordonnées, donc lavoixduréel.over-blog.com. Et avant de se laisser, Claudine, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir faire cet échange avec toi. Ça a été un plaisir partagé. Et comme mentionné précédemment, donc j'invite les gens qui veulent découvrir le blog d'aller y faire un tour. C'est des textes qui sont très bien écrits, que j'ai trouvé intéressants. Donc, tu as vraiment une belle écriture, simple, limpide. Merci. Et puis, c'est ce qui va compléter donc maintenant l'enregistrement. Donc, en terminant, bien entendu, je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. Mais moi, je te remercie de m'avoir proposé cet enregistrement. Donc, c'est excellent. Donc, à bientôt. À bientôt. Au revoir, David. Au revoir, Claudine.